La tour de Nesle par André Cortis. Elles sont assises toutes deux derrière le carreau de la petite fenêtre. Les feuilles mortes couvrent la route. Quelquefois le vent arrive d'un coup qui les ramasse toutes, les fait tourner en rond, et ne les laisse retomber qu'au bord du fossé où la boue les saisit. C'est un vent froid, aigre, qui trouve moyen de se glisser partout. Sur l'appui intérieur de la petite fenêtre, il fait bouger un peu les feuilles de roman que Margot vient de poser là, maintenu entr'ouvert par ses lunettes de fer. Isabelle tricote. Ses lunettes à elle tout sur le bout de son nez. Quoique sa pèlerine de laine noire tourne au vert et soit usée aux places où la soulève de trop maigres épaules, c'est pour Margot qu'elle tricote et c'est une pèlerine de laine mauve. Le seul fauteuil de la chambre, c'est Margot qui l'occupe. Isabelle est assise sur une petite chaise de paille. Quand elle tousse, Margot ordonne « Prends donc ta tisane !» Le petit pot de terre brune est au coin du fourneau. « Non, je ne l'aime que sucré. Et j'ai fini ma provision du mois. Nous sommes le 27, heureusement. Gourmande. Oh, de sucre seulement. C'est drôle que je ne puisse pas m'habituer. Mais vraiment, je ne peux pas. » Isabelle ne s'excuse pas. Elle s'accuse. Son humble sourire, presque un sourire de petite fille, est assez étonnant à voir sur sa vieille bouche. Mais il n'y a personne ici pour s'en étonner. Sur le fourneau, près du petit pot brun, la soupe commence à bouillir, et à répandre son odeur de poireaux. Quoique ce ne soit pas encore l'heure du dîner, les deux assiettes sont déjà préparées sur la toile cirée très propre de la table. Le jour baisse. « Veux-tu que j'allume ?» propose Isabelle. « Non, je regarde dehors. » « La route n'est plus bien gaie, sans voiture. » « 5 seulement depuis le déjeuner. » « Le boucher, le docteur. » « Le docteur est passé 2 fois, et il n'est pas rentré encore. Je l'entends. » « Non, ça c'est un bruit de grand moteur. » « Quelques camions. » Margot écrase contre la vitre ses cheveux blancs qu'elle continue à friser sur le front, comme lorsqu'elle les teignait pour les faire plus blonds. Isabelle a laissé tomber son tricot parce qu'elle n'y voit plus. Le bruit approche. Ce n'est pas un camion, mais une très grande voiture. Et voici que juste devant cette maison isolée, elle s'arrête. C'est une espèce de familiale du type le plus démodé dans laquelle peuvent s'entasser 8 ou 10 personnes. De fait, combien sont-ils là-dedans? Combien de têtes surgissent par la vitre baissée? S'il vous plaît. « On ne peut pas vous entendre. J'y vais !» dit un alerte garçon qui tenait le volant. En quelques jeunes pas dansant, il atteint la fenêtre. Margot ne lui laisse pas le temps d'y frapper. Elle ouvre. Le froid entre. Isabelle tousse plus fort. « Excusez-nous, madame. Le raccourci pour Nyon, nous devons le trouver de ce côté-ci. À 300 mètres, monsieur, sur la gauche. Il y a des cailloux pour commencer. Après, c'est excellent. Je le sais par le boulanger parce que moi, vous comprenez, je ne bouge pas beaucoup, surtout en voiture. » Qu'est-ce qu'elle pourrait bien inventer pour retenir la haie plus longtemps dévorer ce visage? Le jeune homme est pressé. Il remercie gentiment. « Ça va » crie-t-il aux autres. « Je ne me suis pas trompé. » Il remonte, il démarre. Margot reste penchée. Isabelle grelotte. « Je t'en prie. Quoi? Referme. » Lentement, Margot tourne l'espagnolette et retombe dans son fauteuil. « Tu ne l'as pas reconnu, ce garçon? Mais c'est... » Le nom qu'elle prononce, les journaux d'avant cette guerre-ci l'imprimaient bien souvent. On le voyait aussi en grosses lettres sur l'affiche des théâtres et l'écran des cinémas. « C'est lui !» assure Margot avec exaltation. « Et dans la voiture, je les ai bien reconnus aussi !» Elle prononce 2 noms encore, 2 comédiennes cette fois. Isabelle hausse les épaules. « Qu'est-ce qu'ils feraient par ici, tous ces gens-là »« Tu ne lis pas les journaux ?»« Tu ne sais pas que certains comédiens et des meilleurs se groupent pour faire des tournées de ville en ville. Ils voyagent comme ils peuvent, entassés dans le même guimbarde. » Peut-être, faute d'essence, ils finiront par avoir des roulottes, comme nous autrefois, tu te rappelles? Oui, laisse tomber Isabelle avec indifférence. De nouveau, elle propose. J'allume. Non, non, mon Dieu, murmure Margot. Mon Dieu, ma petite. Heureusement, il n'y a personne ici pour rire du « ma petite » adressé par cette vieille à cette autre vieille. Mon Dieu, ce que cela m'a fait de les voir, d'imaginer. C'est à Nyon qu'ils jouent demain. Où est donc le petit Marseillais? N'allume pas, je te dis. Nous verrons tout à l'heure. Nyon, c'est presque une grande ville. Nous, ça ne nous est jamais arrivé de donner le spectacle dans une grande ville. Mais le public des campagnes n'est pas un mauvais public. Il l'applaudit de tout son cœur. Et il n'est pas difficile pour les décors, ni pour les robes. Mon costume d'Arlequin, il a bien duré 10 ans. Oui, c'est pendant 10 ans que je l'ai raccommodé. Moi, j'étais l'habilleuse, la laveuse de vaisselle, la caissière, qui vendaient les billets dans les courants d'air. Les robes de reine ou de belle dame, je ne les ai jamais mises. Isabelle doit secouer la tête. Il y a une tache claire qui bouge un peu à la place où devait être son triste visage. Le trichomove a été déposé dans sa corbeille. L'ombre s'est épaissie. Une lueur rouge commence à cerner la porte du fourneau. La soupe au poireau bout plus fort. Elle sent plus fort aussi. Tu n'étais pas doué. Comment le savait-on? Avant de se remarier avec toi, mon père me parlait des beaux rôles qu'avait joué maman et qu'il me ferait apprendre. Mais il n'en a plus jamais été question. J'avais 12 ans à ce moment-là. Moi 20, 8 de plus que toi. Ce n'était pas assez et c'était trop. Pas assez pour que tu m'aimes comme une mère, trop pour que tu m'aimes comme une sœur. Juste la différence qu'il fallait pour te faire enrager. C'est vrai. Est-ce que j'ai pu commencer par te détester? Et moi donc? Commencer et continuer. Tu me faisais trimer. Nous trimions tous, pas de la même façon. Il y avait les voyages où tout le monde se reposait. Les chevaux seuls peinaient. Doucement, on voyait changer la forme des arbres et la couleur de la terre. Du côté d'Apt, elle est rouge et presque blanche dans la croix, où il y a tant de pierres. Ce que j'aimais aussi, c'est quand on s'arrêtait des 8 jours, des 15 jours dans un gros village. Alors on avait le temps de faire des connaissances. À Mondragon, par exemple. Pourquoi parles-tu de Mondragon? Nous n'y sommes allés qu'une fois. 2 fois, Margot. Peut-être. Une feuille morte pleine de boue et la force de s'arracher au fossé. Mais c'est pour venir se coller à la vitre. On la distingue parce que la vitre se détache sur le peu de clair qui reste dans le ciel. Il coule d'elle 2 ou 3 larmes épaisses. Cette feuille, large comme un oiseau, a dû effrayer Margot. Sa voix tremblote, mais c'est une petite peur qui se calme tout de suite. Nos belles recettes, c'est ta maison que nous les avons faites, à Bédaride, à Fontvieille, au Bosset, le Bosset, la messe de minuit le 24 décembre, la procession de Saint-Jean, les flambeaux dans la montagne. C'était un vendredi. Tu jouais le lendemain. J'avais reprisé tes bas pleins de trous. Je n'ai rien vu. Tu es sûr? Il y a tant de choses que moi non plus à présent je ne me rappelle pas. À nos âges, on ne se rappelle que l'essentiel. L'essentiel dans une vie. Ma pauvre, n'allons pas nous mêler de philosopher. Nous ne sommes pas des savantes. Après l'école, je n'ai plus ouvert un livre. J'apprenais la couture, qui m'ennuyait. Quand je me suis toqué de ton père, qu'il était beau dans son costume du marquis de Malissey. Il me l'avait apporté pour remettre une doublure. Et il est revenu 3 jours de suite. Ma mère a jeté les hauts cris. C'était une paysanne qui me voulait honnête. Et, dis donc, il me semble, bien sûr, c'est ce que notre marquis lui a fait comprendre. On peut courir les routes et déclamer devant le monde. Ça n'empêche pas de vivre aussi sérieusement que ceux dont la maison n'est pas à roulettes. Un mariage qui n'aurait pas été devant le curé, lui-même, n'en aurait pas voulu. Ses idées, avant de t'épouser, c'est à moi qu'il les disait. Lui en avait, de l'instruction. Il m'en a donné un peu. Et il a oublié de continuer la mienne. Tu lisais les mêmes livres, quand j'avais le temps. Et tu me faisais répéter mes rôles. Bah, nous devions en être au même point, comme nous le sommes aujourd'hui, où tout est parti de notre tête, l'histoire de France et la géographie et les grands écrivains. C'est vrai. Il y a tout de même des choses qui sont restées. Presque sans qu'on le sache. Et puis il suffit d'un passant qui frappe à la vitre. Tout revient, tout revient. Il me semble encore entendre les gamins crier derrière moi quand je me promenais « La reine Margot !» Et quand j'entrais chez l'épicier ou le boulanger, les clients disaient « Tiens, la reine !» Le nom m'en est resté, même en famille, même maintenant, même pour toi. J'étais, je suis Margot, moi qui m'appelle Germaine. C'était mon plus beau rôle. Celui où on leur réclamait toujours de me revoir. Les gens aiment ce qu'ils connaissent. On avait beau leur apporter des nouveautés, ils préféraient toujours la tour de Nesle. Ils t'appelaient la reine. Mais ça ne les empêchait pas de nous traiter de saltimbanques et de romanichel. Pas tous. Les plus intelligents étaient ceux qui nous méprisaient le plus, parce qu'ils voyageaient un peu. Ils allaient dans de vrais théâtres. Nous, qu'est-ce que nous étions? Des forains, qui au lieu de faire tourner une roue pour qu'on gagne un lapin ou une bouteille de champagne, jouaient la comédie. Ça change tout. Pas tant que tu le crois. Beaucoup plus. Pour moi du moins, pour ton père. Il y croyait à son art. C'est quand nous répétions seuls les belles scènes où il n'est que 2, qu'il fallait voir comment il s'exaltait, comme il s'enflammait. Beaucoup plus que sur les planches, où il ne faut jamais passer la mesure de peur de faire rire. Vous faisiez rire tout de même, à la fin, quand vous avez commencé à devenir vieux. Moi, dans mon coin, à ma caisse, je les entendais, les réflexions que le spectateur faisait en s'en allant boire pendant l'entracte. Tu ne nous répétais que des compliments. Le reste, je le gardais pour moi. Tu m'avais trop battu, j'avais peur. À 25 ans, à 35. Oh, je n'étais devenue ni bien grande ni bien forte. Mais je ne te touchais plus. Bien sûr, bien sûr. Tu me disputais seulement. Et mon père te donnait toujours raison. Il était fou de moi. Il l'est resté jusqu'à sa mort. J'ai eu beau m'abîmer assez vite. Oh, très, très vite, Margot. Les blondes grasses, ça tient mal. J'ai tenu tout de même autant que j'ai pu. Personne ne pouvait me remplacer. Tu ne voulais être remplacé par personne. Est-ce que tu te rappelles, quand ça commençait de devenir impossible, vraiment impossible, tes grandes phrases, tes soupirs, tes minauderies, avec ce gros corps que tu avais, cette figure défaite? Oui, ça a été dur. Chacune, dialoguant dans le noir avec une voix sans visage, prononce tout haut des choses qu'elle n'a jamais dites. La feuille boueuse est toujours collée contre la vitre, mais on ne la voit plus. Dans la chambre, il fait chaud, presque trop chaud. La soupe boue à gros bouillon. De temps à autre, un peu d'eau jaillit et crie, comme torturée, en s'évaporant sur la plaque rouge du fourneau. La dernière fois que tu as joué, c'était à Béradide. À Mondragon. Non, pas à Mondragon. Ah ça, tu perds la tête. À Bédaride, je te dis. Mon malice essaye de plaisanter. La représentation d'adieu de la célèbre reine Margot. Nous avons fait 70 francs. C'était très bien. Après, nous avons soupé tous les deux dans notre roulotte, avec du champagne et des fleurs sur la table. Il m'embrassait, il me disait, « C'est fini, je suis encore bien plus vieux que toi. Si nous ne voulons pas crever de faim, il va falloir prendre une loterie. » Jamais il ne m'avait regardé si tendrement. Nous pleurions tous les deux, c'était gentil. Je sais. Tu n'étais pas là. Dans la roulotte à côté avec les autres, vous n'aviez pas baissé le volet, je regardais. Ce n'était pas la première fois que tu nous espionnais. Oh non, mais peut-être c'est la fois où ce que je voyais m'a fait le plus de mal. Après 25 ans de ménage, de trimard, cette galanterie du mari, cette émotion, c'était joli cependant. Tiens, ça m'a fait plaisir que tu aies regardé. J'aurais voulu que les autres aussi soient indiscrets, et même tout le pays. J'avais ma tête sur son épaule, j'étais fier. Tu l'étais moins, à Mondragon. Mondragon, ah ça qu'est-ce qui te prend? Pour une fois que nous sommes allés dans ce pays-là, 2 fois, Margot. Et après, il y a des endroits où nous sommes revenus des 10 fois, des 15 fois. Le nombre de fois, ce n'est pas ça qui compte. N'essaie donc pas de me faire croire que tu as oublié. Une voiture qui passerait avec ses phares allumés les révélerait l'une à l'autre et leur rendrait la prudence. Elle parlerait d'autre chose. Mais la nuit, la chaleur épaisse, les maintiennent dans une espèce d'engourdissement qui paralyse la raison. L'une ne peut plus se taire, ni l'autre l'interrompre. Seule proteste l'eau débordant par instants de la casserole et que continue à supplicier le feu. N'essaie pas, n'essaie pas. Quand mon père a voulu ce petit souper à vous deux pour te consoler d'être devenu vieille et laide et que je vous ai vu, ça n'était pas, tu t'en doutes, la première fois que je t'espionnais, oh non. Depuis le jour de mes pauvres 12 ans, où tu m'as donné ma première gifle. Ce jour-là, la vie que tu allais me faire, je l'ai vue tout entière devant moi. Et la Simone aussi, qui jouait les mères et les gouvernantes et qui me consolait. Patience, elle me disait, il est trop vieux pour elle. Un de ces jours, elle le trompera. Et jaloux comme il est, et violent, ça ne traînera pas qu'elle soit jetée dehors. Le pire, c'est qu'avec ces airs de coquine et de passionnée que tu savais si bien te donner à la scène, tu restais sérieuse. Pourquoi ? J'ai compris plus tard. Tu te croyais, comme on dit par ici. Au lieu de tirer l'aiguille toute la journée ou dans ta ferme, de nourrir les cochons, courir les roues dans une belle voiture, derrière tes petits rideaux de mousseline rose, regarder, du haut de tes 3 marches, passer les villages trop peu importants pour qu'on daigne s'y arrêter, et puis le soir faire la belle avec du rouge sur les joues et des perruques à boucles devant 50 de filles crevant d'envie et de garçons délirants, ça t'avait monté à la tête. Tu te prenais pour une artiste, comme celle des vrais théâtres. Tu disais, en parlant du coin sale derrière le paravent où tu changeais de défroc, ma loge. Et tu disais en me montrant, mon habilleuse. Alors, naturellement, aucun ne te paraissait assez bon. Des pauvres diables qui essayaient de tourner autour de toi, qui essayaient seulement. Mon père faisait bonne garde. La Simone avait vu clair, mais en lui seulement, en sa jalousie, pas en toi, que préservait ton orgueil. Le drame qu'elle m'avait annoncé, je n'en pouvais plus de l'espérer, de le vouloir. Le temps passait. Tu as eu 30 ans. Tu en as eu 32, 34. Pour ton anniversaire, qui tombe en juin, il y avait toujours des roses sur la table et une bouteille de mousseux. Moi, quand je changeais d'âge, personne ne le savait, pas même moi. Ce qui me faisait peur, ça n'était pas, dans le lointain, ma vieillesse, mais la tienne. Tout ce qu'il me faudrait continuer d'endurer si tu restais là. Bien sûr, tu ne me battrais plus. Mais il y a pire que les coups. Tes ordres, ta façon de me parler, de me traiter de bon à rien pendant que je m'usais, pendant que je me crevais. aller chez un coiffeur, me faire friser comme toi, comme les autres. Je n'ai jamais su ce que c'était. Ah, c'était long, c'était long. Les pays traversés, tu peux bien en parler. Je ne les voyais même pas. Et quand je les reconnaissais, je les détestais, parce que je ne retrouvais partout que des mauvais souvenirs. Non, je ne voyais rien. Si, pourtant, quelque chose, une seule chose. Quand nous approchions de l'étape, je regardais un peu avant d'arriver les belles maisons, les châteaux. Le vrai monsieur qui te ferait faire une bêtise parce que tu serais flatté de son caprice habitait peut-être là. Peut-être il viendrait ce soir. Avec quelle délice j'imaginais la fureur de mon père, les cris, les coups. C'est toi qui les aurais reçus. Valait-il mieux que tu fusses tué ou simplement jeté sur la route presque assommé, morte de honte, pendant que les voitures s'en iraient et que je fouetterais les chevaux pour les faire aller plus vite? Des rêves, de beaux rêves. C'est quand tu as commencé à engraisser que j'ai eu peur. Mais cela ne t'allait pas mal. Au contraire, une espèce d'épanouissement. 34 ans. Oui, tu avais 34 ans quand un soir de juillet, à Mondragon, où nous n'étions encore jamais venus, n'essaye pas, je te dis, de faire semblant de ne plus te souvenir. Dès que j'ai vu cet homme, ce beau monsieur assis dans les fauteuils au premier rang, j'ai senti que je la tenais, ma vengeance. Et j'ai cru qu'elle était pour tout de suite. Il ressemblait tellement peu aux autres, avec sa culotte de cheval bouffante, et qui, au-dessus des genoux, lui serrait les mollets, sa veste bien coupée, sa cravate de piqué blanc et son air de se moquer du monde. Car il n'était venu là que pour se moquer, avec un autre aussi élégant que lui, mais moins beau. Des coulisses, c'est-à-dire de ma cachette derrière le bout de rideau en calicot rouge, où j'attendais pour t'aider à changer de costume, j'ai remarqué comme les paysans le saluaient et paraissaient étonnés qu'il fût là. Lui leur disait bonjour assez gentiment, mais avec un peu de hauteur. Quand la pièce a commencé, la tour de Nesle, Margot, rappelle-toi, rappelle-toi. J'ai bien vu comme les décors, les costumes, tout notre pauvre attirail le mettait en joie. Il pouffait en dedans, et il tapait sur le bras de l'autre, qui riait aussi, mais se contenait moins bien pour le faire tenir tranquille. Sa figure a changé quand tu es entré en scène. Il t'a regardé avec des yeux surpris d'abord, et puis, d'où le fou rire s'en allait, qui devenait sérieux. Presque sombre. Je n'entends pas grand-chose aux expressions que peuvent prendre les hommes. Je manque d'expérience. Pourtant, j'ai compris tout de suite ce qui se passait en celui-là, et en toi aussi, pendant que je t'agrafais ta robe hideuse, ton cœur battait si fort que je le sentais cogner contre ma main. Mon père, lui, n'avait pu s'apercevoir de rien, qu'il a mal joué ce soir-là. Avec les 30 hommes de grains de fièvre causés par le chaud et froid qu'il traînait depuis 4 jours, il ne tenait plus debout. La pièce finie, il a fallu presque le porter jusqu'à son lit. Et le lendemain, à l'hôpital. Nous y sommes restés 2 semaines à Mondragon. Firmin en a profité pour peindre les décors. La Susan pour dormir, moi pour avoder tes frusques. Et toi, Margot, ton temps, comment l'employais-tu? Oh, tu allais tous les jours à l'hôpital. Visite de 1 heure à 3. Ça n'est pas bien long. Pourtant, ça durait pour toi jusqu'au souper. On ne te voyait jamais revenir avant. Et après? Bien sûr, tu rentrais chez toi, dans ta roulotte, où personne n'avait le droit de coucher. Bonsoir à tout le monde. Mais dans l'autre voiture, la plus petite, où nous nous empilions toutes, je guettais au carreau. La Susan et les autres n'étaient pas longues à ronfler. Quand ta porte s'ouvrait, j'ouvrais aussi la mienne. Et je m'en allais derrière toi comme un chat, jusqu'à la maison du monsieur. Une espèce de château, que j'avais remarqué tout de suite, en arrivant au bout d'une longue allée de platanes. 2 fenêtres seulement. Au premier restait éclairé. C'étaient les nuits les plus courtes de l'année, les plus chaudes. Je l'ai passé dans l'herbe, derrière le plus gros arbre. Une fois, tu as été imprudente. Il faisait presque jour quand tu es revenu. Mais tu ne m'as pas vu. Tu ne prenais garde à rien. C'est cette fois-là, quand tu es passé à 2 pas de mon tronc d'arbre, que j'ai découvert ce que tu rapportais sur ta figure. L'expression d'une joie, d'un bonheur comme je ne croyais pas possible qu'on puisse en ressentir. J'ai regardé autour de moi. Une pierre. Si j'avais trouvé seulement une grosse pierre, je te sautais dessus. Mais il n'y avait rien que l'herbe douce. Juste devant mon arbre, tu t'es retourné vers la maison, vers une fenêtre, les 2 mains sur la bouche, en voyant un baiser. Je te tiens. Je te tiens. De bonheur. C'est moi qui les avais les 39 degrés de fièvre. Hélas, quand mon père est enfin sorti de l'hôpital, quel pauvre homme avons-nous vu revenir. Affaibli, énervé, ne voulant pas rester 1 heure de plus dans ce pays. Tu as bien essayé de lui tenir tête. La colère dans laquelle il est entré t'a fait peur. Il levait les deux poings, et ma peur à moi était de le voir tomber mort, si je lui donnais les raisons de ta résistance. Je me suis tu, et tu as cédé. Après une course de 2 heures, soi-disant pour régler quelques fournisseurs, et d'où tu es revenu avec une figure plus décomposée, plus bouffie que si toutes les abeilles d'une ruche s'étaient abattues sur elle. Et la vie a continué. Pareil, non, pas tout à fait pareil, avec ces différences que je te détestais encore plus. À cause de mon père, de moi-même, de la malchance qui m'avait interdit, tenant enfin ma vengeance, d'en profiter. Et ça ne me consolait pas de te surprendre quand tu étais seul, pleurant toutes tes larmes. Ces larmes-là me donnaient la même envie de te tuer que m'avait donné ton air de bonheur. Fallait-il que tu l'eusses aimé, le beau monsieur de Mondragon, pour le regretter de cette façon-là. L'été est revenu. Alors tu n'as plus pleuré, tu chantais. Notre route nous rapprochait de Mondragon. Mais mon père n'a pas voulu entendre parler d'y retourner. Et pendant que tu insistais, rageusement, maladroitement, je crois bien que tu as surpris la façon dont je te regardais. Tu t'es méfié. Et il t'a bien fallu, pendant un an encore, te contenter de n'avoir embrassé que ce petit cadre, caché au fond de ton coffre, où il y avait, à côté d'une mauvaise photo du monsieur en costume de cheval, une photo de toi, en reine Margot. Belle comme il t'avait vue, comme il t'avait aimé, belle comme il te revoyait quand il pensait à toi. D'une beauté qui n'a pas duré bien longtemps. Oui, oui, tu t'es abîmé très vite. Quelque chose au-dedans de toi qui se détraquait, qui faisait tourner en graisse tout ce que tu mangeais, une graisse molle. Déjà 2 ans après ton aventure, tu insistais beaucoup moins pour y retourner, à Mondragon. Ta peur de te retrouver devant ton amant, je la lisais dans tes yeux gonflés, sur ta bouche défraîchie. C'est à l'heure de ta toilette, quand tu te regardais dans la petite glace pendue entre les 2 fenêtres, que j'aimais le mieux pousser ta porte. Tu ne m'entendais pas tout de suite, et j'avais le temps de deviner tes pensées, de les sentir, aussi nettement que l'odeur de la brillantine dont tu pommadais tes cheveux pour les rendre moins ternes. Ai-je fini par oublier vraiment, par me résigner? Je me le demandais. Et je me demandais surtout si ton oubli à toi, ta résignation à toi était sincère. J'ai appris que non. J'ai fini par l'apprendre. Tiens, le soir de la représentation d'adieu de la reine Margot, après ce petit souper dont tu osais me parler tout à l'heure, tu t'attendrissais. Tu pleurais sur l'épaule d'un pauvre homme, d'un vieil imbécile. Mais ce soir-là, quand il t'a quitté pour aller faire sa ronde, comme d'habitude, et détacher le chien, je restais collé au carreau, je ne te lâchais pas. Tu as été prendre dans ton coffre le cadre qui contenait les 2 photographies. Avec quels yeux tu les as regardées, comme tu les embrassais. Tu t'étais remise à pleurer. Mais ce n'étaient plus les mêmes larmes, et sur ta figure démolie, il y avait tout d'un coup, comme un misérable reste de ce rayonnement que j'avais surpris sur ta figure encore jeune, il y avait 10 ans, à la fin d'une belle nuit de juillet. Alors, Isabelle s'interrompt, elle tousse. En face d'elle, l'ombre reste muette. Dans la pièce ténébreuse et trop chaude, pleine de buée maintenant à cause de la soupe aux poireaux qui s'évapore, il n'y a qu'un seul être, une seule voix, qui essaie de s'arracher à l'atout, s'y étrangle, lui échappe et tout affaiblie et tremblotante, reprend enfin le monologue. Alors ça, du moins, ce souvenir, puisque je ne pouvais plus rien d'autre contre toi. J'ai voulu te l'abîmer, puisque tu y tenais tant, te le détruire. Mondragon. Quand mon père a parlé de retourner à Mondragon, parce que la mauvaise impression qu'il en avait gardée n'existait plus, tu n'arrêtais pas de protester et de me demander à moi « qu'est-ce qui lui prend ?» Ce qui lui prenait, c'est qu'il m'avait écouté. Il m'écoutait beaucoup mieux maintenant que tes caresses ne le rendaient plus fou. Il me disait même assez souvent « tu as raison ». Et il me l'a dit le jour où, l'entendant se lamenter sur l'état de nos pauvres affaires, je lui ai suggéré. Il faudrait changer de bourg. Dans ceux où nous revenons tous les ans, on nous connaît trop. À Mondragon, par exemple, où on ne nous a plus revus, les recettes avaient été belles. Tes arguments à toi n'ont servi de rien. Il a écrit au maire. Nous avons changé de route. Mais je n'étais encore qu'au début de ma besogne. La Rose, ta petite nièce, par qui tu avais enfin accepté de te laisser remplacer, travaillait de tout son cœur. Des choses modernes. Il faut, affirmait père, rajeunir les programmes. Je laissais dire. Et je te laissais dire aussi quand tu commençais à nous parler d'une fatigue, de maux de tête, qui, je le devinais, te retiendrait au lit, bien caché, tout le temps où tu aurais pu courir le risque de te trouver nez à nez avec ton bien-aimé et de lui montrer ce que tu étais devenu. mais était-il seulement encore dans le pays? Ça, c'était une chance à courir, ma dernière chance. Les roulottes n'étaient pas encore dételées. Sur la même petite place qu'il y avait 10 ans, près de la fontaine, que je me mettais en campagne. Bonheur, le beau monsieur était toujours là, toujours dans sa maison. Marié, puis devenu veuf, il ne faisait guère autre chose que s'ennuyer et courir les belles filles. Bon, j'ai vite décidé. En 10 ans, il avait eu le temps d'oublier ton écriture, que d'ailleurs il n'avait sans doute jamais vue. Je lui ai donc fait porter par un bohémien qui s'en allait, un petit mot signé de toi, où je racontais que, passant par le pays et me rappelant tout, je serais bien heureuse qu'il vienne le dimanche soir revoir et applaudir la reine Margot. Il y a peut-être dans l'ombre une exclamation. Peut-être c'est seulement un meuble qui se plaint. Isabelle, tout emportée, n'a rien entendu. « Bon, bon, » répète-t-elle, « mais ce n'était pas tout. J'ai déclaré à père que pour nous faire de la réclame, il me fallait aller chez toutes nos anciennes connaissances, et j'ai passé la journée à ce travail. Seulement, ce que je disais aux gens, c'est que la pièce de ce soir était assommante à voir, et la petite Rose, qui la jouait, pas trop dégourdie. Ah, la tour de Nesle, autrefois, avec la reine Margot, c'était bien autre chose. Si tout le pays l'exigeait, ce pourrait être pour demain, on changerait le programme. Je n'ai pas eu trop de mal. Tout le monde a été de mon avis. Les jeunes qui ne te connaissaient pas et les vieux qui voulaient te revoir. Et quand un bruit commence à courir... Le premier soir, nous n'avons eu pour ainsi dire personne. Mon père s'arrachait les cheveux. Il était d'une humeur. J'en ai profité. Il hésitait encore. « Faites comme elle est maintenant, ma pauvre Margot. Eh, quand les gens la verront, ils auront déjà payé. Tu as raison. » La scène qu'il y eut cette nuit-là et qui a recommencé le lendemain matin. Tu criais si fort que j'avais peur de voir arriver les gendarmes. Et puis tu suppliais. Personne de la troupe n'y comprenait rien. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Quand ta père, ce tapage, cette résistance le rendait furieux, il a failli te battre. Et je t'ai dit doucement, quand tu as enfin cédé, épuisé, gonflé de larmes, 10 fois plus laide et plus vieille que les jours précédents. S'il devait y avoir dans la salle une seule personne dont l'opinion comptait pour toi, mais vraiment ce tas de paysans. Cela t'a calmé un peu. Quelle probabilité, en effet, que se trouve à présent cet unique spectateur? Je t'ai habillé, fardé, j'ai lassé tant bien que mal ton corsage, déjà si souvent élargi. Et je te parlais sans arrêter pour t'empêcher de regarder comme j'avais fait, moi, par le trou du rideau, et de voir qu'il était là, au premier rang, à peine plus gros et plus vieux, les cheveux grisonnants seulement, ce qui lui allait très bien. Allons, allons, c'est ton tour. Je t'ai presque poussé. Alors, alors, Margot, ce que tu as ressenti en te trouvant en face de cet homme, ce qu'il éprouvait lui-même, son air de stupeur, d'ironie, de dégoût. Moi, vois-tu, moi, c'est tout ce que j'aurais eu dans ma vie, rien que ça. Mais qui compense bien des choses. À l'entracte, tu t'es presque trouvé mal, et lui est parti. Après ce mot que je lui avais envoyé, quelle peur d'un rendez-vous il devait avoir, il est parti. Sans ça, tu n'aurais pas pu jouer jusqu'au bout. Cette fièvre, dont tu restais plus de 15 jours malade, t'aurait assommé tout de suite. Elle étouffe, mais ricane. Ton beau souvenir, Margot. C'est ça que j'en ai fait de ton beau souvenir. Et n'essaie pas maintenant de me voler le mien, en me faisant croire que tu ne sais plus ce que c'est, mon dragon. Le fourneau n'est plus rouge. La soupe ne boue plus. Tout à l'heure, il fera froid. Le drame, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est le silence qui vient, l'interminable silence, et tout ce qu'il contient de grondant et de terrifié. D'avoir autant parlé et avec un cœur qui battait si furieusement, Isabelle est restée haletante. Elle se remet à tousser. Elle tousse à rendre l'âme. En face d'elle, l'invisible fauteuil s'est mis à craquer. Margot bouge lourdement. Comme autrefois au temps des gifles et des horions, l'autre rentre son cou entre ses maigres épaules. Maintenant, déclare la reine, suffoquant elle aussi, mais qui cherche à reprendre son souffle. On peut allumer. Elle se lève et tourne le commutateur. La pièce est propre et gaie. Au fond, la porte de la chambre qui reste ouverte pour que circule la chaleur montre les 2 lits de fer côte à côte, avec leur couvre-pied de cotonnade blanche. Depuis combien de temps est mort le Malisset et sont vendus les roulottes? Depuis combien de temps les deux vieilles qui sont là ont-elles décidé d'unir leur faible rente pour que la vie fût plus douce? Tant d'années humbles et apaisées, hantées d'une seule terreur, celle de la solitude. Margot hausse les épaules, elle va vers le fourneau, prend le petit pot brun et verse la tisane. Non, proteste Isabelle, c'est trop mauvais. Attends. La reine ouvre le placard. Il y a sur une planche de petites boîtes de fer blanc. Celle d'Isabelle est vide. Il y a 3 morceaux de sucre dans celle de Margot, qui en prend 2, les met dans la tasse et tourne soigneusement avec une cuillère. Comme ça, tu boiras. Mais c'est ton sucre. Bois donc, ordonne Margot avec sa voix impérieuse. Isabelle obéit. Tout en buvant, elle se met à pleurer. De grosses larmes pressées qui lui coulent dans la bouche. Et elle ne sait pas si c'est le remords d'avoir voulu blesser la paix quotidienne ou la rage de n'y être point parvenue qui mêle tant d'amertume à la douceur du sucre. C'était La Tour de Nesle par André Cortis.